Toujours à l'occasion du décès du président Kim Il-sung, les rassemblements de souvenirs ont eu lieu en Russie, en Allemagne, en Équateur et au Mexique. Ils ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs y ont indiqué que le président Kim Il-sung est l'éminent homme politique d'État du XXe siècle reconnu par le monde et ont exalté ses exploits immortels accomplis pour l'époque et l'histoire.